Today, 25th of February, year 2015. I would like to continue from yesterday. Yesterday, we reached to the truth, right? The truth, the conventional truths, ultimate truths and noble truths. Samudisitya, Pramatasitya and the Ariyasitya. Nous sommes aujourd'hui le 25 février 2015. Nous allons poursuivre notre enseignement d'hier à propos des trois sortes de vérités. La première, c'est la vérité conventionnelle, Samuchisaccha. La deuxième, c'est la vérité ultime, Paramatasaccha. Et la troisième, c'est la noble vérité, Ariyasaccha. Aujourd'hui, nous allons parler de cette troisième noble vérité. Saccha est un mot pali qui veut dire vérité. La noble vérité, Ariyasaccha, est très difficile à réaliser par les êtres ordinaires. Hier, nous avons parlé de la première vérité, la vérité conventionnelle. Ce sont les noms, les appellations, les étiquettes qu'on donne aux choses. Le temps fait partie de cette vérité conventionnelle. Et cette première sorte de vérité a simplement pour but de permettre la communication. La deuxième vérité, c'est Paramatasaccha, la vérité ultime. Cette deuxième vérité est également très difficile à réaliser. Il faut pour y arriver que l'attention, la concentration et l'effort soient développés. Par la pratique de Vipassana, on peut comprendre par expérience directe cette deuxième sorte de vérité, la vérité ultime. On voit alors les choses telles qu'elles sont réellement. Et lorsque ces choses auront été vues telles qu'elles sont réellement de façon très profonde, le méditant va pouvoir réaliser la troisième vérité, la noble vérité. Ici, nous pratiquons la méditation Vipassana et nous nous efforçons d'observer le corps et l'esprit, d'observer l'interaction entre les phénomènes physiques et mentaux. Nous développons une forte attention, une forte concentration et nous réussissons à voir que ces phénomènes apparaissent et disparaissent constamment. Nous comprenons que ces phénomènes physiques et mentaux sont impermanents. Nous poursuivons notre effort. Notre méditation progresse, il n'y a plus d'espace entre les différentes observations. Nous observons de façon continue et nous réalisons d'abord les caractéristiques individuelles des phénomènes. Nous allons, sur base de cette compréhension des caractéristiques individuelles des phénomènes, nous allons comprendre Anicca, Dukkha et Anatta. L'impermanence, la souffrance et le non-soi. On commence donc par observer les phénomènes et voir leurs caractéristiques individuelles. Une fois qu'on aura vu les caractéristiques individuelles des phénomènes, on devient capable de réaliser les caractéristiques communes. Autrement dit, on réussit à voir que ces phénomènes apparaissent et disparaissent. Lorsque nous aurons vu les apparitions et disparitions des phénomènes, nous aurons compris la première noble vérité de Dukkha, qu'on traduit par souffrance. Il y a quatre nobles vérités. La noble vérité de Dukkha, la noble vérité de la cause de Dukkha, de l'origine de Dukkha, la noble vérité de la cessation de Dukkha et la noble vérité du chemin qui mène à la cessation de Dukkha. Ces quatre nobles vérités sont mentionnées à beaucoup d'endroits des Écritures. Mais elles ne sont pas faciles à réaliser, à comprendre en profondeur. On nous dit, dans les Écritures, que la vie est Dukkha. Mais comment serait-il possible d'accepter cela? Nous aimons la vie, nous avons du plaisir dans la vie. Si nous ne comprenons pas que la vie est dukkha, c'est parce que nous pensons que la souffrance se résume aux sensations désagréables. Mais ceci est très facile à comprendre. Même les animaux comprennent qu'une sensation désagréable les fait souffrir. Si vous frappez un chien, par exemple, ce chien comprendra très vite qu'il souffre en quelque sorte. Ici, au début de la pratique, les méditants expérimentent beaucoup de sensations douloureuses. Ce sont donc des sensations désagréables, c'est la souffrance ordinaire. Mais ce type de souffrance n'est pas encore la noble vérité de la souffrance. La noble vérité de la souffrance est vue lorsqu'on perçoit les caractéristiques communes des phénomènes, le fait qu'ils sont impermanents, souffrance et insubstantiels. On voit alors que les phénomènes n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître. On expérimente la dissolution des phénomènes à chaque instant. Si vous êtes capable de voir les apparitions et disparitions constantes des phénomènes, le fait qu'ils se dissolvent à chaque instant, vous voyez la véritable nature de la vie. La vie apparaît et disparaît à chaque instant à grande vitesse. Mais nous pensons que le jeu, la personnalité, est éternel, qu'elle va durer. Et si nous pensons cela, c'est parce que nous ne voyons que des concepts. Ce n'est pas facile de réussir à comprendre en profondeur. Hier, par exemple, vous m'avez entendu donner cet enseignement sur le Dhamma. Vous pensez que c'est Sayadaw Unnanasiddhi qui a donné l'enseignement. Aujourd'hui, je vous donne un autre enseignement et de nouveau, vous pensez que c'est ce même Sayadaw Unnanasiddhi qui donne l'enseignement. Mais si vous pensez que la personne d'hier est la même que la personne d'aujourd'hui, c'est parce que vous ne voyez qu'un concept. Ce n'est donc pas facile de comprendre en profondeur, de comprendre sagement. Pour y arriver, il faudra observer sans interruption pendant toute la journée et réussir à voir que tout change à chaque instant. Si nous voyons que tout change à chaque instant, nous voyons la souffrance, nous voyons dukkha. Mais comment peut-on comprendre cela? À un niveau grossier, c'est facile de comprendre que les choses, une fois qu'elles auront été détruites ou cassées, provoquent la souffrance. Si par exemple vous recevez un cadeau et que ce cadeau tombe par exemple par terre et qu'il se casse, vous allez souffrir parce que ce cadeau est cassé. Mais il faut comprendre que le corps et l'esprit se cassent à chaque instant. À chaque instant, ils subissent des apparitions et disparitions et cela se passe très vite. La dissolution a lieu à chaque instant et c'est cette dissolution qui est dukkha, la souffrance. Il est donc impossible de posséder quoi que ce soit dans la vie. La vie est dukkha. Mais ceci est très difficile à voir. Dans les Écritures, on donne un exemple. Imaginons une maison qui est offerte gratuitement aux familles. Une première famille va y résider, mais à peine installée dans la maison, cette famille meurt. Une deuxième famille reprend la maison, à peine installée dans la maison, elle meurt également, et ainsi de suite. Toutes les familles qui s'y installent meurent très rapidement. Donc cette maison, plus personne n'en veut, tout simplement parce qu'elle est source d'une grande souffrance. Les phénomènes physiques et mentaux qui nous constituent apparaissent et disparaissent constamment. Ils sont constamment en train de se dissoudre. Si vous voyez de façon authentique la dissolution en vous, votre attachement à la vie va progressivement diminuer. En général, on est très attaché à la vie, on aime la vie et on prend soin de cette vie. Mais les êtres nobles détiennent les vues justes. Ils voient que tout se dissout à chaque instant, ils comprennent donc dukkha. Et leur attachement à la vie est beaucoup moins fort. En ce qui nous concerne, nous sommes très attachés à la vie, parce que nous ne voyons pas que les phénomènes physiques et mentaux qui nous constituent apparaissent et disparaissent constamment, et que le fait d'y être attaché amène beaucoup de problèmes. Notre vue, notre compréhension est incorrecte. Tous les matins, voyez ce que le corps exige de vous. Il exige que vous le laviez, que vous l'habilliez, que vous le nourrissiez, que vous évacuiez cette nourriture. Et si vous refusez de le faire, il va vous amener des problèmes, en ce sens que vous allez tomber malade. Nous ne voyons donc pas la noble vérité de la souffrance. Nous ne voyons pas que la vie est un très lourd fardeau. Et pourtant, nous nous obstinons à aimer cette vie, parce que nous sommes dominés par l'ignorance. L'ignorance recouvre notre compréhension. Nous voyons au niveau des concepts seulement. Et nous n'arrivons pas à dépasser ce niveau. Notre compréhension n'est pas juste. Nous ne détenons pas samadhiti, les vues justes. Si vous ne voyez pas la véritable nature des phénomènes, si vous ne voyez pas que la vie est un fardeau, forcément vous allez vous attacher à cette vie. Vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont réellement, et donc vous vous attachez à ce fardeau. Ne pas voir la véritable nature des phénomènes, c'est avidya, l'ignorance ou illusion. Vous êtes ignorant de la véritable nature de ces phénomènes, tout simplement parce que vous ne voyez que des concepts. Vous allez donc développer de l'avidité, de l'attachement pour ces phénomènes, c'est lobha. Vous allez également être victime de avidya, l'ignorance. Vous êtes attaché parce que ignorant. Ces deux facteurs, lobha et avidya, l'avidité et l'ignorance, créent la vie. Selon l'enseignement du Bouddha, ce n'est pas un dieu créateur qui créerait la vie, c'est l'attachement et l'ignorance. À cause de cet attachement et de cette ignorance, vous allez mal interpréter les sensations que vous expérimentez. Vous expérimentez en permanence des sensations par les six portes sensorielles, l'œil, l'oreille, le nez, la bouche, le corps et l'esprit. Mais vous ne voyez pas que ces sensations apparaissent pour disparaître l'instant d'après. Vous pensez qu'elles vont durer. Vous allez ainsi développer de l'attachement si la sensation est agréable. Du désir avide, tanha. Tanha, c'est un synonyme de lobha. C'est de cette façon qu'on peut comprendre que tanha est la cause de la souffrance. Pourquoi souffrons-nous? Parce que nous désirons souffrir. C'est difficile à comprendre. Si vous comprenez la vie, si vous comprenez le corps et l'esprit, si vous comprenez que tout cela est souffrance, vous ne désirerez plus souffrir. Vous allez progressivement vous détacher. Si vous n'êtes pas encore détaché, si vous avez encore du désir pour ces phénomènes, c'est que vous avez encore les vues fausses. Samudaya Satcha, c'est la noble vérité de l'origine de dukkha. L'origine de dukkha, c'est tout simplement l'oba, l'attachement, le désir avide, associé à l'ignorance. Si vous ne voulez plus ces phénomènes, si vous n'avez plus d'attachement ni de désir pour ces phénomènes, vous aurez réussi à éradiquer l'oba, l'avidité. Vous expérimenterez alors Nibbana. Vous aurez alors l'expérience de Nibbana. Nibbana est un mot qui comprend deux parties, Ni et Wana. Ni veut dire sans et wana veut dire désir attachement. C'est l'état sans attachement. À À cause de l'attachement que nous avons pour ces phénomènes, nous allons poser des actes. Nous allons agir pour obtenir ces sensations agréables. Agir, poser des actes, c'est créer du karma. On ne comprend pas que la vie est dukkha. On agit, on crée du karma, et ce karma va amener des résultats, comme résultat que la vie va être maintenue. On agit donc à cause de l'avidité, et ces actions que l'on fait, que l'on pose, créent du karma. On peut donc dire que le créateur de la vie, ce n'est pas Brahma, c'est avidya, l'ignorance, et tanha, l'avidité. La vie va ensuite être maintenue, et ce qui maintient la vie, c'est le karma, la nourriture, l'esprit et la température. Du temps du Bouddha, les personnes croyaient dans l'hindouisme. Et dans l'hindouisme, on dit qu'il y a trois dieux. Le premier, c'est Brahma, c'est le dieu créateur, celui qui amène la vie. Le deuxième, c'est celui qui maintient la vie, Vishnu. Et le troisième, c'est le dieu destructeur, Shiva, qui va détruire la vie si quelque chose n'a pas été fait correctement. Et cette croyance était très répandue, ce sont des concepts. Le Bouddha est arrivé et a enseigné son Dhamma. Il a enseigné la véritable nature des phénomènes. Il a expliqué qu'il n'y avait pas de créateur, pas de Dieu créateur. C'est l'ignorance associée à l'avidité qui crée la vie. Et ceci est facile à comprendre par la pratique, directement en soi-même. Nous ne voyons pas la noble vérité de dukkha, la souffrance. Et en conséquence, on pose des actes, c'est le karma. On désire obtenir. Le fait de poser des actes, le karma, de créer du karma, va maintenir la vie. Avec les trois autres facteurs, la nourriture, l'esprit et la température. Le dieu Vishnu n'existe donc pas. Ce sont ces quatre choses qui maintiennent la vie. Et tout ceci est facile à réaliser par soi-même. Donc pour le Bouddha, le dieu destructeur, c'est tout simplement le karma, le kilesa, les impuretés mentales. Les impuretés mentales, c'est par exemple le désir, l'attachement, l'orgueil, la jalousie. Tout cela, ce sont des pollutions mentales et ces pollutions mentales détruisent la vie. Tout ceci, de nouveau, est facile à constater directement par soi-même. Ces trois dieux ne sont donc que des concepts. Le Bouddha a enseigné la réalité. Il a appris aux gens à voir la réalité à l'intérieur d'eux-mêmes. Les gens ont donc entamé la pratique et ils ont petit à petit acquis des vues justes, la compréhension juste. Et ils ont pu ainsi se libérer dans une certaine mesure. Le Bouddha nous dit que tout a toujours une cause. Cette loi des causes et des effets est omniprésente. Et il faudra la comprendre par soi-même. Nous aurons alors les vues justes. Il n'y a jamais que des causes et des effets. La cause de la souffrance, c'est le désir avide. Et ce désir avide est lui-même présent parce qu'il y a l'ignorance. Nous sommes ignorants, donc nous désirons les choses qui en réalité sont souffrance. Il y a donc d'abord l'ignorance, puis le désir, puis l'action elle-même et le fait de prendre plaisir. Nous ne voyons pas que ces choses sont souffrances et donc nous aimons les expérimenter. De cette façon, le cercle continue. De nouveau, ne pas voir que ces choses sont souffrances, c'est l'ignorance. Nous allons de nouveau désirer, agir, etc. Et tout ceci est dû au fait que nous ne voyons pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Nous sommes en fait branchés sur les sensations agréables. Et forcément, ne voyant pas leur véritable nature, nous en désirons encore et encore. Mais moins il y aura d'ignorance, moins il y aura d'attachement, moins il y aura de pollution mentale dans l'esprit. Donc moins nous désirons, moins nous agissons et moins nous souffrons. C'est le chemin pour se libérer de la souffrance. J'espère que vous avez compris pourquoi vous souffrez. J'espère que vous avez compris comment il faut procéder pour se libérer de cette souffrance du samsara. Nous parlerons de cela demain. Puissiez-vous tous persévérer dans la pratique de Vipassana et vous libérer du samsara. May you all be able to strive this side of meditation, vipassana meditation, to free from this suffering samsara.